Bonjour, nous sommes les nouveaux locataires du cinquième étage et nous organisons un apéritif vendredi soir pour connaître nos voisins. Vous êtes libre ? Oui, c'est une bonne idée de faire ça. C'est gentil de nous inviter, je viendrai avec plaisir. Est-ce que je peux apporter quelque chose ? Non, merci, ce sera très simple, vous savez. Et vous, monsieur, vous pourrez venir ? Je suis vraiment désolé, je ne serai pas là vendredi. C'est dommage parce que votre invitation est très gentille. Une autre fois, j'espère.